Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle lui dit « Quelquefois, vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Il me semble que vous êtes là, quand je lis des passages d'amour dans les livres. Tout ce qu'on y blâme d'exagéré, vous me l'avez fait ressentir, dit Frédéric. Je comprends les vertères, que ne dégoûtent pas les tartines de Charlotte. Pauvre cher ami. » Elle soupira, et après un long silence, « N'importe, nous nous serons bien aimés. Sans nous appartenir, pourtant. Cela vaut peut-être mieux, reprit-elle. Non, non, quel bonheur nous aurions eu. Oui, je le crois, avec un amour comme le vôtre. Il devait être bien fort pour durer après une séparation si longue. » Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. « C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit, mais il m'aime, il m'aime. J'avais peur de m'en assurer cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais, comme d'un hommage involontaire et continu. Il ne regretta rien. Ses souffrances d'autrefois étaient payées. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher cette déception, il se posa par terre à ses genoux et, prenant ses mains, se mit à lui dire des tendresses. « Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur infinie. Et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom, que je me répétais, en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était Madame Arnoux, telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir, et si bonne. Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Leurs mains se serrèrent. Un mouvement de pudeur la fit se lever, puis immobile, et avec l'intonation singulière des somnambules. À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, non. À quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien. Je les méprise, toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère, reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit. Elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. « Bien sûr. Pourquoi ?»« À cause de vous, » dit Frédéric, en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entr'ouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa, avec un air de désespoir. Et, comme il a supplié de lui répondre, elle dit, en baissant la tête, « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion, et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait! Et tout à la fois par prudence, et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillé. Comme vous êtes délicat, il n'y a que vous, il n'y a que vous. 11 heures sonnèrent. Déjà, dit-elle, au quart, je m'en irai. Elle se rassit, mais elle observait la pendule, et il continue à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment dans les séparations où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement. « Adieu, mon ami, mon cher ami, je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. » Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne, tous ses cheveux blancs tombèrent.